va faire le commentaire avec Claude Mayotte. On va parler une semaine sur deux. On va parler avec Claude d'Actualité Sportive. Salut Claude! Salut! Ça va bien? Le Rocket, oui, ça va bien. Le Rocket, est-ce que tu embarques là-dedans? Moi, j'embarque dans le bandwagon. Moi, j'aime ça. Il semble avoir de la foule. Le Canadien est éliminé. C'est sûr que les gros prospects du Canadien sont pas à la bas. Il y en a 2-3, mais ce ne sont pas les joueurs dominants. T'as pas les Kevin Goulet, t'as pas les. Et ainsi de suite. Mais quand même, c'est intéressant. Puis de voir Kaelin Primo. Écoute, je dis pas que Kaelin Primo ça va changer sa carrière, mais ça pourrait être un game changer là, pour sa carrière, ce qui s'est passé. Là. Écoute, on n'est pas tout seul dans le bandwagon, comme tu dis. Ouais. Moi, je regarde ces matchs-là. J'ai regardé contre Syracuse, j'ai regardé naturellement contre les Americans de Rochester. Kaelin Primo est en train de sauver sa saison. Qu'on se comprend-tu, là? Ouais. T'sais, ça veut pas dire que c'est une carrière extraordinaire qui s'en vient, peut-être. Mais présentement, Kaelin Primo est le meilleur gardien du Canadien. Ouais. En bout de ligne, là. Ouais. Et il n'y a pas de l'air chanceux, il a de l'air à savoir ce qu'il fait. Il est toujours devant la rondelle. Ça m'impressionne. M'impressionne également la défensive, parce que c'est des joueurs rejetés, si tu veux, puis il y a quelques prospects là-dedans. Mais écoute, Xavier Ouellet, là, un instant, on le prend pour acquis. Xavier Ouellet, c'est un bon leader. Xavier Ouellet, quand il se porte à l'attaque, il patine très, très bien. En défensive, il peut bardasser un peu. Il a l'expérience de la Ligue nationale, puis il n'a jamais eu de chance avec le Canadien. On le faisait jouer une partie ou deux, puis on le renvoyait en bas. Mmh. Alors, c'est une soupape de sécurité, si tu veux, pour le futur. Pas futur à long terme, parce qu'il commence à avoir de l'âge. Mais les avant, à part de ça, est-ce que tu retrouves le Cédric Paquette du Lightning? Moi, je le retrouve, parce que je ne l'ai pas vu depuis qu'il a quitté le Lightning, et pas à Montréal, en tout cas, puis Rick King. Mais non, c'est intéressant à voir. Beaucoup de Québécois, mais ils ont de l'air... Sais-tu quoi? Ils ont de l'air à s'amuser. Ouais. Comprends-tu? Des fois, ils se font brasser par Syracuse, ils se font brasser par les Americans, puis ça n'a pas de l'air à trop les déranger. Une belle retenue de leur part, qu'ils frappent quand ils ont le goût de frapper, ils patinent. C'est ça qui est intéressant. Moi, je pense que on a une bonne équipe de la Ligue américaine, puis tant mieux, parce que, écoute, on n'a pas été gâtés depuis le début de cette expérience-là. Hein. Non, c'est sûr que ça va, on n'a pas été gâtés. Sauf que je reviens sur Xavier Ouellet et Kaelin Primo. Xavier Ouellet, on s'entend-tu pour dire qu'il aurait sa place comme septième défenseur de la Ligue nationale? C'est souvent la couche est mince entre un cinquième, sixième et un septième défenseur et un défenseur américain. C'est juste souvent ça, c'est parce sûr. Que le coach n'a pas confiance en toi. Simplement ça, c'est juste ça. Mais tu vas me faire... Ben, la façon que je le vois jouer, là, moi, je peux pas croire qu'il n'y a aucune équipe qui ne donnera pas une chance comme septième ou même sixième. Ouais. Tu sais, je veux dire, il y a tous les éléments pour le faire. Et je reviens encore. Souviens-toi quand il jouait pour les Red Wings de Détroit. Il était un des bons défenseurs des Red Wings de Détroit. Alors, tu sais, peut-être que c'est le coach qui n'avait pas confiance, mais moi, je trouve que présentement, il va très bien. Kaelin Primo, là, je veux pas partir en peur. Mais ça peut peut-être permettre aux Canadiens de faire un échange qu'ils ne voulaient pas faire avant. Tu sais, je veux dire, peut-être qu'on peut échanger maintenant Arlen pour avoir quelque chose de bien. Montembeau, malheureusement, on n'aura pas grand-chose pour lui, mais Montembeau, quand il a été appelé à jouer, a bien fait. Alors, si on peut échanger Arlen, parce que le point d'interrogation, c'est toujours Carey Price. Faut s'en garder un, au moins qu'il y a de l'expérience, tu sais. Alors, tu peux pas commencer l'année... avec si Price ne revient pas, il faut garder Allen. Mais si Price revient en tentativement, tu peux peut-être te permettre d'échanger Allen. Puis là, t'as Primo ou Montembeau comme soutien. C'était pas chic, parce que c'était pas chic à Primo à Montréal cette année. Là. Puis non, c'était loin de sa faute non plus. Là. Non, il n'y avait pas confiance, mais il était laissé tout seul en arrière. Ouais. Combien de fois qu'il y a eu plus de 40 lancés? C'est comme Montembeau. T'sais, Montembeau, des fois, accordait 4 buts, puis il était peut-être la première étoile. C'est pas normal, ça. Non. Des 40-41 lancés. Ben, on l'a vu, Jake Allen était blessé. On l'a taxé pour lui au maximum. Ben, je comprends. Je veux dire, il est peut-être revenu trop vite. Ouais. Il avait peut-être pas le choix de revenir trop vite. Mais en même temps, c'est sûr que quand tu fais le grand écart, il y a des chances que les N ne suivent pas. Hein? Non, effectivement. Je veux te parler des séries, la bataille de l'Alberta. Oui. Les Oilers d'Edmonton surprennent. Oh. Les Oilers, écoute, il y a un gars qui... Est-tu en train de sauver sa carrière? C'est Evander Kane. Rappelle-toi, Claude, quand les Oilers l'ont signé, il y avait beaucoup de doutes. Il y avait beaucoup de. Finalement, ben, le gars s'en va dans pas mal l'une des villes les plus tranquilles dans la Ligue nationale. Il avait raison, ça l'a peut-être aidé, là. Mais le gars Oui. joue à mesure de son potentiel. Puis quand t'as la chance d'avoir Ouais, Connor mais McDavid, là. Hein? je vais dire ce qui l'aide, c'est surtout Connor McKinnon. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Écoute, ce gars-là est phénoménal Ouais. et je pèse mes mots. Tu le regardes jouer, la vitesse d'exécution, le patin, quand il Ouais. décide qu'est-ce qu'il veut faire avec la rondelle. Écoute, Evander Kane, c'est une bombe à retardement. Evander Kane, qu'est-ce qu'il va demander comme salaire l'an prochain? Parce que quand les Oilers l'ont signé, c'était pour finir l'année, cette Ouais. année. Ouais. Et après ça, voir, parce qu'ils ne veulent pas le payer 7, 8, 9, 10 millions. Si Evander Kane est assez intelligent et disait, ben OK, je vais accepter 5 ou 6 pour continuer à jouer Ouais, avec McDavid. Connor Ouais. McDavid, avec Leon Draisaitl, Mais c'est un écoute, gars qui avait ça quand se même du talent, pourrait qu'il Claude, reste là. là. C'était une question d'attitude, Ben oui, ça. il y a un talent, mais encore là, par Ouais. le passé, tu as vu que des fois la chaîne débarque aussi. Oh, c'est souvent. C'est ça qui est peut-être dangereux. Ouais. Mais et là, dans cette série-là, moi, ce qui me surprend énormément, c'est le piètre rendement des deux gardiens de but. Ouais. Tu sais, Markstrom, là, durant l'année, C'est pas pour rien qu'il est en compétition pour le Vézina, il a un. été extraordinaire. Ouais. Hier, après quoi, 20 secondes, il vient pour l'envoyer dans le coin, puis il manque sa passe, puis direct sa palette de Nugent Hopkins. Tu peux pas, quand tu dis que tu tires de l'arrière déjà, tu peux pas commencer un match comme ça. Ça donne pas. Et j'ai bien aimé ce que j'ai vu du coach qui a dit, bon, mais calmez-vous, calmez-vous. Oui, mais calmez-vous. C'est pas trop ta stratégie quand ça fait 20 secondes, puis tu tires déjà de l'arrière 1-0, puis je te Ouais. rappelle que McDavid n'a pas touché à la Ben, glace encore. ça donne le ton, hein? Exactement. Alors, cette série-là est intéressante à cause, entre guillemets, de la rivalité. Mais Ouais. quand on a le premier match, 9-6, Ouais. Tu te dis, wow, un instant, là, ça peut pas continuer comme ça bien longtemps. Il va falloir qu'il y a quelqu'un qui se réveille et qui dit, hey, faut jouer un petit peu en défensive. Ben, écoute, Connor McDavid, il joue bien en défensive, il a toujours la rondelle. Ah, L'autre équipe peut pas compter. Alors, c'est une série qui est très intéressante. Ouais, effectivement, l'autre qui m'a déçu beaucoup, c'est les Panthers contre les. Je peux pas Oh. croire, mais que les Panthers, écoute, qui gagne, que t'aimes pas bien gagner, c'est pas surprenant. C'est un club gagnant, c'est un C'est en club quatre. qui. C'est en quatre qui est surprenant. Ouais, c'est la façon qu'ils ont perdu. Tu peux perdre, mais de la façon que tu perds aussi. Oui, mais écoute, quand tes six meilleurs joueurs, l'autre bord, tombent en léthargie en même Ouais. temps, c'est un sérieux problème. Parce que moi, j'adore Huberdeau, puis il a eu une saison phénoménale. Mais dans les séries, c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de points là, que je te dis ça. C'est que tu le voyais, il était, je sais pas s'il était trop nerveux ou il y avait trop de pression sur ses épaules, mais il faisait des petites passes à l'aveuglette, puis il était toujours intercepté, puis même sur le jeu de puissance, quand il était du côté gauche, c'était pas le Huberdeau qu'on connaît. Alors ça, c'est un gros point. Giroux doit se dire, maudit, je suis venu ici pour gagner une Coupe Stanley, puis on se Ouais. fait sortir en quatre parties, parce que Giroux, c'est un très bon joueur de hockey, mais qu'est-ce qu'il fait l'an prochain? Est-ce qu'il reste là? Est-ce qu'ils trouvent qu'ils vont être payés trop cher? Je ne le sais pas. Tu sais, comment ça se fait que Barkov n'a pas été plus menaçant? Barkov, c'est un Barkov, tu vas peut-être rire de moi, mais la comparaison que je fais, c'est peut-être avec Brian Trottier. C'est un joueur complet, Barkov. Il peut jouer défensivement, peut jouer offensivement, gagner des mises en jeu, bon en désavantage numérique, excellent en avantage numérique. On ne l'a presque pas vu. Non, ah non. Mais c'est faut donner crédit à garder, j'ai de la Ah, misère à le écoute, prononcer. il Il y est avait pas excellent, Braden, t'sais. oublie pas, là. J'enlève rien à Tampa Bay. C'est une équipe qui s'est gagnée. Le gardien de but est dominant. Une des prestations de gardien de but dans l'histoire de la Ligue nationale en série éliminatoire. Une des bonnes prestations. Oui, Mais tu sais, quand oui. même, c'est de la façon que. Mais les Panthers les ont aidés aussi. Oublie pas que Là. Braden Point n'était pas là. Ouais. Ouais. Excuse-moi, mais Braden Point, c'est un des joueurs les plus importants à Tampa Bay. Et c'est sûr que quand tu gagnes un premier match, tu dis, on va lui donner 2 jours de repos de plus. Tu gagnes un deuxième, un troisième, un quatrième, là, il va avoir une semaine de repos. Fait que Braden Point, quand il revient, il devient encore plus menaçant. Parce que Braden Point, c'est un gars il doit être achalant pour l'adversaire parce qu'il est toujours, tu sais, je fais pas de faire de comparaison, mais tu sais, Barzal avec les Islanders, c'est un peu le même genre de joueur petit, mais bon avec la rondelle, mais Braden Point, il compte des buts importants. Mais, écoute, il y a tellement de joueurs à Tampa Bay qui prennent la relève, et je reviens sur Corey Perry. Quel Une leader, honte qu'on ait laissé partir Corey Perry qui hein? Ouais. voulait jouer à Pour le Montréal salaire, 1 million pour et quoi? quelques Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Parce que l'an dernier, si on s'est rendu en finale, c'est grâce à Carey Price, c'est grâce à Philippe Dano, et c'est grâce à Corey Perry. Mm. C'est un leader. C'est lui qui mène l'équipe canadien. C'est lui qui était le leader. Parce que, tu sais, des Weber et compagnie, ils n'étaient pas là. Ben, il laisse partir. Dano, pour 500 000, on l'a envoyé une saison de fou avec Los Angeles. Moi, j'étais un tueur. C'était Claude qui trouvait que c'était... Il trouvait que c'était trop cher payé, sauf que il m'a fait mentir pas à peu près. C'est incroyable. Ben écoute, oui, mais pour 500 000, quand tu regardes ce qu'il a fait dans les séries, neutraliser le meilleur joueur à l'autre bord, tu sais, Austin Matthews depuis là, neutraliser le jeu de puissance de l'autre côté, tu dis, c'est pas juste des chiffres. Oui, c'est vrai qu'il marquait pas beaucoup de buts, mais jouer avec Gallagher, faut que tu joues en maudit pour compter des buts, parce que Gallagher est rendu épuisé. Gallagher, après 25 secondes, 30 secondes, il revient au banc, il est mort. Parce qu'il a tout donné aux Canadiens. Tu me parles de contrat. C'en est un, ça, qu'il y a un très, très gros contrat pour ce qu'il donne. Non, non. Tu vas me dire, oui, mais c'est un leader. Oui, mais c'est un leader qui nous coûte très cher. Corey Perry, là, alors, j'en parlais avec Cindy Caron, qui couvre les livres la semaine passée. Oui. Là. C'est un genre de leader qui aurait fait la job avec les Leafs. C'est, je l'aurais vu, moi. C'est, ah oui. Tu sais, c'est... Ça va être la job à Kyle Dubas et également Brendan Shanahan, d'après moi, de cibler ces genres de vétérans-là, comme Corey Perry. T'sais, Wayne Simon, ça n'a rien gagné, ça. Mais un gars comme Corey Perry, ça aurait certainement aidé beaucoup les Leafs. Écoute, ça aurait aidé le Canadien, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Ça aurait aidé les Leafs, t'as raison, mais on oublie que Corey Perry, écoute, quand il jouait à Getzlaff, il marquait des buts à la tonne. Mm. Il s'est adapté. Mm. Tu sais, il avait plus la vitesse comme avant, mais l'as-tu vu avec l'intelligence quand il y a la rondelle? Ouais. C'est une souhait de le voir manœuvrer. Tu sais, jamais de coup très... Puis d'un coup, quand il donne un coup en vitesse, il s'en va jusqu'au filet. J'aime ce gars-là. Tu le vois quand il va féliciter un coéquipier. Hey, Paul, l'acquisition de Paul, c'est de la bénédiction, ça. Il joue du gros hockey, le 20, et il est bien plus vite que je pensais. À Ottawa, on le voyait pas, mais là, il patine, puis il est grand physiquement, puis il est capable de prendre une mise en échec. Kucherov, écoute, si c'était pas de Connor McDavid, on dirait, hey, Kucherov, c'est tout un joueur de hockey. Oui, c'est tout un joueur de hockey. Et quand il veut jouer au hockey, comme Kovalev à Montréal, quand il voulait jouer au hockey, c'était extraordinaire de le voir. Quand ça y tentait moins... Ça y tentait moins. Ouais. Hey, écoute, Stamkos joue encore du gros hockey. Oui. Alors, t'aimes pas bien me dire une affaire. Je les vois quasiment à Coupe Stanley, encore une fois. Ben moi, avant que les séries commencent, j'ai dit Tampa Bay contre Colorado. Ça ressemble. Et je pensais même pas que Colorado avait une production de Kadri comme ça. Ouais. Parce que, tu sais, on pensait toujours au premier trio, mais Kadri joue du gros, gros, gros hockey. Puis Makar. As-tu vu Makar jouer au hockey? Makar, c'est comme Fox avec les Rangers. Il est toujours sur la glace, il a toujours la rondelle, puis il fait des passes parfaites. Ouais. Claude, on se reprend dans deux semaines? Ben, pourquoi pas? Ben, donc, okay. Voilà, c'est le commentaire de Claude Meilleur.